la douceur de ta voix résonne dans mon cœur. Et au milieu de tes voix, je viens comme un vainqueur, fidèle ami. Devant le trône de ta grandeur, je viens t'adorer, Jésus-Christ. Siégé dans la cour du grand roi, avec des vieillards et tous les saints, jeter ma couronne, mon diadème, devant ta face, te dire je t'aime, Jésus. Devant la gloire de ta présence, je viens t'adorer. Que l'arche de notre alliance avance dans le silence, perçant les vagues des mers vers un nouveau repère, fidèle ami. Au milieu du divin décor, je viens contempler mon trésor, sans aucun effort, dans le repos, et pour vivre encore l'éclat du trône. C'est là que j'adore, et là j'honore ton nom. Je t'aime, Jésus. Ta promesse en moi est vie, ta parole me ravit. Vers les eaux visibles, tu me conduis. En toi je m'accomplis. Oui, tu es tout ce qu'il y a de beau et qui me fait rêver debout. Car je ne vis qu'en termes de ton amour, ô fidèle ami. Oui, que vienne la rosée, pour toujours bien arroser ce jardin qui fait germer mon espérance. Je t'aime, fidèle ami. Que tout soit comme tu voudras, où tu veux. On s'en ira. Quand tu veux, tout se fera. Compagnon de tout mon parcours, fidèle ami. Quand rien ne va, moi je vais bien, car en tout temps, tu seras là. Oh. Voilà pourquoi, à tout moment, je resterai toujours fidèle à toi, oh fidèle ami. Que tout soit comme tu voudras, où tu veux, on s'en ira. Quand tu veux, tout se fera. Compagnon de tout mon parcours, fidèle ami. On ira. Quand tu veux, tout se fera. Compagnon de tout mon parcours, fidèle ami. Oui, je viens, Seigneur. Je viens te laisser écouter mon âme qui se déverse devant toi, même si mes mots n'ont pas la force requise pour bien le faire. Cependant, en dépit de mes insuffisances, je ne saurais me taire, car tu jouis du fruit de mes lèvres qui exaltent ta grandeur et confessent ta seigneurie.